Mars 1803. L'hiver n'a pas de fin. On attend le printemps comme le Messie, source de vie et d'espoir. Mais certains n'arrivent plus à y croire, affaiblis, froid déjà au dehors et presque autant en eux. Pierre est triste, désemparé par des sentiments qui le traversent sans qu'il ose vraiment se les avouer. Il laisse ses pas le mener jusqu'au corps de garde. Il y trouvera, on le sait, un vieil ami aujourd'hui plus nécessaire à ses questions qu'un des copains de la grange. Pierre est troublé. Il ne comprend pas son père. Et se comprend lui-même encore moins. Les mots se bousculent. Il entre, aperçoit le vieux soldat, se plante devant et l'apostrophe, presque criant « Mon père, on dirait qu'il est content !» Content d'avoir perdu sa jambe. Puis plus rien. Aucun autre mot ne vient. Pierre reste là, face au sous-officier, immobile, étendu. Un long silence. Et puis, l'homme avance le bras et lui presse doucement la main. Depuis longtemps, on dit que l'homme est un loup pour l'homme. Ton père, les loups l'ont à moitié dévoré. Depuis, il hurle. Ça hurle en lui, même si on ne l'entend pas. Lui, d'abord, il a hurlé de douleur, puis sans le réaliser, il a hurlé avec les loups. Comme ça, il a moins mal, moins peur. Beaucoup d'entre nous sont passés de l'homme au loup. Chez lui, ça ne se voit que trop facilement, mais maintenant, tu pourras peut-être le voir chez l'autre, et tu seras à chaque fois surpris de l'y trouver. Sa voix s'est faite plus sourde et son regard s'échappe tristement. Pierre proteste. « Mais toi aussi, tu as connu tout ça et tu n'es pas devenu un loup !»« Va savoir. Et puis, j'ai eu de la chance. Je n'ai pas souffert comme lui. Je peux paraître indemne. Tu n'as rien perdu à la guerre, alors tu n'as pas changé. » »« J'ai perdu. » J'ai perdu rien que tu ne remarques ici, mais j'ai perdu tant et tant d'amis. Des amis que j'aurais voulu sauver plus que tout. Des amis tombés au hasard, tombés à ma place. Des amis qui me manquent et à qui je crains d'avoir manqué au moment du combat et de la mort. Quand j'étais pris, comme tous, de cette folie furieuse. Et au fond de moi, je sens aussi que j'ai perdu une part que je ne sais pas vraiment nommer. Ma jeunesse, peut-être. Ou ce que la paix m'aurait permis d'en faire. Les derniers mots se perdent dans le silence. Pierre s'est calmé, touché par ce qu'il a compris. Il cherche encore ses mots. Si tu te souviens de tes amis, que tu penses à eux, ce sont toujours tes amis. Ça fait peut-être de toi un homme seul. Mais moi, je préfère ça à un loup dans la meute. L'homme ne sait pas quoi répondre. ayant fait sa vie de rester à sa place, ou plutôt à celle qu'on lui assigne. Sans doute est-il secrètement heureux d'être pour une fois reconnu tel qu'il est. Vite, il change de sujet. Tiens, toi qui t'en soucies, croiras-tu que j'ai vu le prisonnier noir ce matin ? J'ai dû mener le commandant auprès de lui. Il voulait s'assurer de son état. Je me demande d'ailleurs bien pourquoi. De toute évidence, l'homme est malade. Et avec l'humidité, le froid qui règne dans sa cellule, il n'en a pas pour longtemps. Il tremble sans cesse, bien qu'il ait porté sa chaise jusque sur la pierre de l'âtre, et qu'il s'y tienne la plupart du temps. L'entretien a été bref. En remontant, j'ai demandé au commandant s'il fallait faire quérir un médecin. Et il m'a rabroué, en disant que ces gens-là ne sont pas faits comme nous et qu'ils n'ont ainsi pas besoin des mêmes soins. C'est à se demander. La phrase reste en suspens. Le soldat n'en dira pas plus. Il presse une dernière fois la main de Pierre et le renvoie à son service. Ainsi, l'enfant, songeur, quitte-t-il lentement la pièce pour s'enfoncer dans l'obscurité d'un couloir.